Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 34. Notre phrase clé est... Yawarakakute oishii desu. C'est tendre et délicieux. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Après être allée au festival du campus avec Kenta, les deux arrivent à ce qu'on appelle un restaurant de sushi sur tapis roulant. Là, de petits plats garnis de sushi circulent sur un tapis roulant et les clients peuvent choisir ce qui leur plaît. La couleur des assiettes vous indique le prix des sushis. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 34. La phrase clé est... Yawarakakute oishii desu. C'est tendre et délicieux. Ah, Toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Les sushis préférés de Kenta approchent. Ah, toro ga kita. Oh, les toro arrivent. Ah est une exclamation qui exprime la surprise. Kenta élève la voix alors qu'approche son sushi préféré. Toro est la partie grasse du ton, son ventre. Na est la particule qui indique le sujet. Kita. Être arrivé est la forme en ta du verbe kimasu. Arriver. Il indique qu'une action est complétée, accomplie. La forme polie de kita est kimashita. Le toro est plutôt cher, mais il est très prisé dans les restaurants de sushi, n'est-ce pas? Oui. Anna n'a jamais mangé de toro. Alors elle demande à Kenta. Toro te nan desu ka? Qu'est-ce que le toro? Si l'on ne connaît pas le mot qu'on a entendu, on peut demander sa signification en disant d'abord le mot et en ajoutant ensuite te nan desu ka? Qu'est-ce que c'est? Nam signifie quoi? Des est une expression polie qui conclut une phrase. Si l'on ajoute ka à la phrase et qu'on la dit en haussant l'intonation, on la met à la forme interrogative. Vous l'avez déjà appris. Te nan desu ka est une phrase utile, n'est-ce pas? Oui. Exerçons-nous à dire qu'est-ce que le toro? Toro te nan desu ka? Kenta répond. Maguro no onaka no bubun desu. C'est la partie ventrale du thon. Maguro signifie thon. No est une particule qui lie les substantifs. Onaka signifie ventre. Le deuxième no est également une particule qui lie les substantifs. Bubun signifie la partie. Des est une expression polie qui conclut une phrase. Cette phrase contient deux no, lesquels lient les substantifs. C'est bien ça? Maguro no onaka no bubun signifie la partie ventrale du thon. Si l'on emploie no, on peut lier deux ou plusieurs substantifs les uns aux autres en plaçant un substantif devant pour qualifier un substantif qui vient après. Kenta poursuit. Dozo. Je t'en prie. On dit dozo lorsque l'on encourage quelqu'un à faire quelque chose. Anna dit itadakimasu. Bon appétit. Littéralement, je mange ou reçois humblement. Itadakimasu est ce qu'on dit avant de commencer à manger un repas. Lorsque l'on a terminé de manger, il est poli de dire gochisou sama deshita. Merci beaucoup pour ce festin. Anna mange du toro pour la première fois. Est-ce que ça lui a plu? Yawarakakute oishii desu. C'est tendre et délicieux. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Yawarakakute est la forme en te de l'adjectif yawarakai. Tendre, moelleux. Oishii est un adjectif qui signifie délicieux. Des est une expression polie utilisée pour conclure une phrase. Il n'y a pas que les verbes qui ont la forme en T, les adjectifs également, n'est-ce pas? Lorsque l'on emploie à la suite deux adjectifs ou plus, on utilise la forme en T du premier adjectif pour le lier au second adjectif. Donc, dans le cas de yawarakai et de oishi, on met le premier adjectif, yawarakai, à sa forme en te. Yawarakakute. Et on dit oishi après. Écoutons à nouveau la leçon 34. La phrase clé aujourd'hui est... Yawarakakute oishi desu. C'est tendre et délicieux. Ah, Toro ga kita. Toro te nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishi desu. Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui yawarakakute, la forme en T d'un adjectif. Veuillez nous l'enseigner plus en détail. Demandons à notre professeur. Si l'on souhaite qualifier quelque chose en utilisant deux adjectifs ou plus, on met l'adjectif qui précède à la forme en T. Je vais maintenant vous expliquer comment mettre les adjectifs à la forme en T. Vous avez appris qu'il existe deux types d'adjectifs, les adjectifs en I et les adjectifs en A. Les adjectifs en I sont ceux qui se terminent en I, tels que bon marché ou peu onéreux. Yasui. Pour mettre les adjectifs en I à la forme en T, on remplace la terminaison I par kute. Bon marché. Yasui. Devient. Yasukute. Joyeux. Tanoshi. Devient. Tanoshikute. L'exception à signaler est. I. Bon. Il devient. Yokute. Les adjectifs en na sont ceux qui prennent la terminaison na lorsqu'ils qualifient des substantifs, tels que. Genki. En bonne santé. Donc, pour dire une personne en bonne santé, une personne se dit. Hito. Donc, cela donne. Genki na hito. Pour mettre les adjectifs en na à la forme en te, on attache de à la fin. En bonne santé. Genki. Devient. Genki de. Si l'on veut dire une personne en bonne santé et joyeuse, joyeuse se dit. Akarui. Donc, on dira. Genki de akarui hito. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Assari. Assari. Est un mot qui décrit un aliment simple et légèrement assaisonné. On dira par exemple que cette nourriture a un goût assari. Pour dire le contraire de assari, on emploie kotteri. Kotteri décrit une nourriture riche en goût et qui est souvent trop grasse ou lourde. On dira par exemple que ces nouilles ramen sont kotteri. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir assari et kotteri. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». On dit « itadakimasu » avant le repas en signe de gratitude pour ceux qui ont cuisiné le repas. On remercie également la viande, le poisson et les légumes, de même que ceux qui ont cultivé et récolté ces bienfaits de la nature. La leçon 34 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était... Yawarakakute oishi desu. C'est tendre et délicieux. La prochaine fois, nous vous parlerons à nouveau du déroulement du repas au restaurant de sushi sur tapis roulant. Surtout, soyez au rendez-vous pour cette nouvelle leçon.